On a connu les bagarres, les descentes à minuit. Grosse équipe qui t'attendait, terre à la sortie. Coup de vapeur et la foule se rétrécit. Ça sonne dedans jusqu'à l'arrivée de la police. 91 réputés pour la divine. Devant nos ennemis, faut en découdre. Perds pas des couilles si les miens sortent tes joujoux. Sur le sol, j'aperçois ton sang qui coule. Seven Bang, c'est mon ethnie. La Camo, c'est ma putain de ville. Les mecs d'à côté ont peur de mourir. Ils reçoivent des menaces, on appelle anonyme. Crapuleux depuis tout petit. Braque la prof en de la vie. J'ai arrêté l'école à 16 piges. Attiré par le parfum du King à facile. 10h à minuit au même endroit. La sacoche remplie, je pense à la fin du mois. Fais tout pour ne pas être maladroit. 6h avant la perquis, je suis loin de chez moi. Double vie comme Doudou Sankara. Ma chérie pense qu'il a quelques rues sur mes draps. Ma voisine est devenue ma chaga. J'ai caché tous les produits illicites sur son doigt. PR, pilon. Les Yankees lui demandent plus fort. Ce c'est héros. C'est aux vivants qu'on vend la mort. Kélo, escorte. Pour le luxe, elle donne son corps. Que chez Birman. Et je crois qu'elle est assez mon réconfort. Hello, hello. B.O.L.O. Gadu 7. Hello, hello. B.O.L.O. Gadu 7. Hello, hello. B.O.L.O. Gadu 7. Hello, hello. B.O.L.O. Gadu 7. Pour se déplacer gratuitement sur Panama, elle suce des chauffeurs d'Uber. Rapport sexuel avec différents tontons pour avoir dernier appel. Viens pas faire des vernis de sœur en Christ si t'as tourné à Saint-Hubert. Des coups de coude en bas du dos pour bien te cambrer, est-ce que tu te rappelles? On a baissé vos caméras et on a placé les nôtres. Tête écrasée sur la dalle, c'est comme ça qu'on accueille les autres. Certaines elles coupées au Coca-Cola, la vérité sort de la bouche d'un alcoolique. Madame ton fils n'est plus celui que tu crois, vérifie sa petite bouteille de cristalline. Les gars chez moi fument des gros gamas, le premier j'en fais plus trop d'effet. La con qui ont caché mon briquet, car ils ont peur que je vienne les allumer. Impossible d'être consommateur dans ta boîte, je serai présent seulement pour mon showcase. Ton terme se donne d'intro de gauche à droite, tu te comportes comme si j'avais ses pères. Hello, hello, hello, hello, gars du set. Hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, salut les terriens, enchanté, moi c'est des belles bodies, c'est bon boca. J'ai entendu dire que vous kiffez mon délire, franchement, merci c'est sympa. Y'a une question qui remporte, mais sans un aspect, tu la cours, je sais pas. J'ai connu le corps à corps, trop peu, aucun résultat, comme dîner me l'arsa.